regarde, j'aime juste un poids sur ton corps, un poids sur toi qui te rappelle que t'existes. Encore caroline, un coussin, une aspirine, un réconfort, bon usage. T'es comme le train caroline qui emprunte plein de désespérés, qui essaie enfin de venir d'où ils viennent. T'es ramène à la maison. Mais Caroline, non, ne fais pas ça. Mais quand ils viendront, on en reparlera.